Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Histoire d'amitié, une série de Leila Jitli, réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a une forme d'amour, des serments enfiévrés de cours de récré avec une amie orpheline, des étés en bande insouciante, ivre ou à vélo, et des gamelles géantes de ravioli. La certitude d'être comprise, des rencontres évidentes, des complicités, mais aussi le doute et parfois même des copines de crèche. Alors pour commencer, les personnages. Une institutrice qui passe la parole, une amie pauvre, une autre de la grande bourgeoisie, une autrice rancunière, une copine de vacances, un conteur, l'ami d'un assassin, une autrice et ses sœurs, une amie de la porte à côté et une amie retrouvée. Ensuite le décor. Un débat, des voix d'enfants, une salle de classe, la fascination, l'imitation, d'autres mondes, un renard, des trahisons, un jeu vidéo, la jalousie, l'hôpital, un quartier de Saint-Étienne, une famille massacrée, les amis comme une famille et un déménagement. Aujourd'hui, 3e épisode, comment ça a commencé ? Je raconte mon histoire d'amitié. Notre rencontre, c'était un jour d'automne, le premier jour de l'école. On était en petite session. On s'esquivait, puisqu'on n'aimait pas beaucoup se voir. Puis un jour, on a décidé de se parler, on a fait connaissance entre nous, et c'est comme ça qu'on est amis. On s'est disputé sur le thème de qui est la plus gentille, puis je lui ai dit qu'on est égal. On devient amis pour la vie ? Elle a répondu oui. Ce que nous faisons ensemble. On joue, on se dit des secrets et on s'aime. Comment je nous imagine quand nous aurons 20 ans ? Nous serons encore les meilleurs amis du monde et encore toujours, jusqu'à la fin de notre vie. C'est un peu difficile pour moi de parler de l'enfance parce que ça s'est passé dans une autre vie, dans un autre pays, dans une autre langue. Et puis ma mère disait toujours, vous n'avez pas besoin d'amis, vous avez des sœurs. Moi, mon ami s'appelle Baba, et quand je dis quelque chose, il dit à personne. J'ai des amis en espagnol, enfin en castillan, d'Argentine, on dit entrañables. Entrañables fait référence aux entrailles. Ça veut dire viscéral, mais en même temps, aux entrailles, ça veut dire très, très intime. Il n'y a pas un mot en français qui rend compte de la profondeur de ces... de ces liens amicaux. Histoire d'amitié, retour en enfance. Pourquoi les amitiés d'enfance résistent-elles au temps ? Un documentaire de Leila Jitli, réalisé par Véronique Samuilov. Si l'amitié avait une couleur, moi je pense que ça serait l'orange. Parce que l'orange, c'est entre le jaune et le rouge. Et le jaune, dans une amitié, ça peut être quand tout se passe bien, qu'on s'entend bien. Et le rouge, c'est quand il y a des petits problèmes, qu'il y a des disputes. Et l'orange, bah, c'est au milieu. Alors des fois, on s'entend bien, des fois, il y a des disputes. Dans l'enfance et l'adolescence, de l'école maternelle à la vie d'adulte, les amitiés se lient parfois pour la vie. Revisiter ses sentiments d'enfant et retourner dans sa mémoire, se souvenir de là où tout a commencé, au royaume de l'enfance, comme dit Aimé Césaire. Et si l'amitié n'était pas qu'une affaire de grandes personnes ? Et si le royaume de l'enfance était avant toute chose celui de l'ami qui rythme son pas sur le pas de l'autre ? Et si le royaume de l'enfance était le temps des trahisons fatales ? Et si le royaume de l'enfance était le temps de la loyauté absolue. Et si le royaume de l'enfance était celui de l'alphabet sentimental ? Alors, nous allons commencer le débat sur l'amitié. Je vous rappelle d'abord les règles. Donc, je n'ai le droit de parler uniquement quand j'ai le bâton de parole entre les mains. Sinon, j'écoute mon camarade. Je ne suis pas obligée de parler. Et tout ce que vous dites est intéressant. Donc la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'être ami ? Un ami, c'est quelqu'un de fidèle. Un ami, ça sert à faire confiance. Un ami, ça t'aide. Un ami, ça sert à t'épauler dès que t'es tout seul et dès que t'es triste. Quand je me dispute avec un ami, on se bat, mais après, on se réconcilie vite fait. Un ami, pour moi, c'est quelqu'un qui t'aide à dire quelque chose que t'arrives pas à dire. Par exemple, tu sors dehors et vous allez manger au restaurant avec lui. Et vous avez oublié de l'argent. Et si lui, par exemple, il a 10 euros, il peut payer pour vous des fois. Parfois, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on commence à s'embrouiller et tout. Après, on peut se disputer, mais après, on redevient amis. Nous, quand on se dispute, des fois, on se bagarre. Ou sinon, on fait un chifourmi, celui qui gagne. Moi, quand il y a un problème avec mon ami, je lui dis « laisse tomber, on continue à jouer ». Notre rencontre s'est passée à l'école maternelle. La maîtresse avait dit de jouer avec elle, parce que c'était une nouvelle. Après, on s'est dit bonjour et après, on parlait tout le temps. On adore le bleu. Elle adore les pizzas et les spaghettis. Mon meilleur souvenir, c'est la première soirée pyjama avec elle. Alors, qu'est-ce que vous observez dans la cour de récréation ou dans la classe sur ces mouvements, comme ça, sur ces amitiés, sur ces liens qui se tissent ? Il y a toujours des copains, des amis pour la vie, des bandes de copains, des groupes de copines, des filles qui font tout ensemble, tout le temps, et des amitiés plus fluctuantes. Et ça, je pense que c'est un invariant de l'enfance, c'est-à-dire que on a des groupes d'amicalité qui changent, et puis on a aussi des vrais amis que parfois on garde jusqu'à l'âge adulte. Moi, je n'ai plus de classe parce que je suis directrice d'une très grosse école, et donc j'observe de loin. Ce que j'observe, c'est que les enfants commencent leurs amitiés par imitation. Ils vont faire la même chose que l'autre. Ils vont lui proposer leur amitié, non pas par des mots, mais par des gestes. Je vois que Machine joue à la corde à sauter, alors je vais m'approcher, puis je vais essayer de sauter à la corde avec elle. Et je vais essayer d'accorder mon corps sur le sien, en sautant au même rythme, ou dans le même coin de la cour de récréation, ou en partageant la même grande corde. Voilà. Et les mots parfois ne viennent pas tout de suite, parce qu'ils savent qui est un ami par le langage corporel avant tout. C'est-à-dire, c'est des regards, c'est des mains sur l'épaule, c'est plus les enfants sont petits, plus ils parlent avec leur corps, et plus les autres voient et comprennent ce langage corporel. Les tout petits... Et il y a une joie de la rencontre. Il y a une sorte de affirmation de l'existence. Hein? Déjà petit comme ça. Déjà petit comme ça. Dans les liens amicaux profonds et passionnels, souvent, n'est-ce pas, chez les enfants, c'est-à-dire cette manière d'approcher les corps de l'autre... À vouloir le mordre, les enfants qu'on appelle les enfants mordeurs, malheureusement appelés comme ça, alors que si le monde passe par la bouche, c'est aussi une façon de vouloir croquer l'autre, prendre l'autre pour soi, hein, l'intégrer d'une certaine manière. Et ça aussi, c'est une manière de s'approcher dans tout ce que ça a d'ambivalent, mais de s'approcher amicalement vers l'autre. Hein? Et c'est un lien qui remet en jeu ce qui nous construit en tant qu'humains. C'est pour ça que cette question de la joie reste comme une empreinte, comme une trace toute notre vie. les premiers passages à justement à la relation avec des petites autres. Parce que là, oui, on rencontre quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre, ce n'est pas la mère. Ça se joue comme si c'était, mais ce n'est pas ça, il y a quelqu'un d'autre. J'ai des tas de souvenirs différents parce que, en fait, j'ai fait l'école publique primaire dans un village de banlieue de Nancy qui était avec beaucoup de gens très pauvres. Et j'ai ma meilleure amie, elle s'appelait Marie-Christine. Elle venait d'une famille dont on dirait aujourd'hui qu'elle est du quart monde. Et donc, elle avait jamais vu de salle de bain et je lui ai fait visiter ma salle de bain. Et quand ma mère a vu dans quel état de saleté était cet enfant, elle a dit, mais si vous voulez, vous pouvez prendre un bain toutes les deux. Je sais pas, on devait avoir 6 ans, 7 ans. Et donc, pendant qu'elle a pris un bain, ma mère s'est précipitée pour jeter tous ses vêtements dans la machine à laver. Elle était couverte de poux, de lente, de crasse. Et en fait, nous, on était très copines. Et je suis restée copine avec elle, je crois, jusqu'au CM2. Moi, je suis passée au collège. Et sur les 34 filles de ma classe, on n'était que deux à aller au collège. À l'époque, tout le monde n'allait pas au collège, faut se souvenir, hein. Et là, j'ai été amie avec une fille qui s'appelait Françoise, dont je me souviens vraiment très bien, et qui venait de la grande bourgeoisie nancéenne, et qui vouvoyait ses parents. Et la première fois que je suis arrivée chez elle, et qu'elle a ouvert la porte en disant « Mère, j'ai une amie à vous présenter », je pensais qu'elle blaguait. C'est-à-dire, pour moi, on ne pouvait pas s'adresser à ses parents sur ce ton. Parce qu'elle parlait normalement quand elle était au lycée. Hein. Vraiment, elle avait ce ton affecté lorsqu'elle était chez elle avec ses parents, qu'elle appelait mère et père et qu'elle vouvoyait, ce qui pour moi était le fond du gouffre. On ne pouvait pas aimer ses parents et leur parler sur ce ton. Au fond, ce que vous me dites, c'est que vous avez découvert à chaque fois un monde différent. C'est ça, parce que souvent les enfants ne se lient pas avec des enfants du réseau parental, on va dire. Et je pense que c'est important et que ça fait partie de l'émancipation que l'école apporte aux enfants, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés avec leurs parents. Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Suzy Morgenstern, dans vos livres jeunesse, vous écrivez beaucoup sur l'amitié. J'ai écrit un livre que je ne pourrais pas publier, qui s'appelle « Mes super copines » et c'est mes amis qui m'ont trahi. Toutes les histoires de filles, de copines qui m'ont trahi. Et ça, je ne publierai pas. C'est mes histoires d'adultes que je transpose dans l'enfance. Mais vous nous racontez une, au moins deux histoires, mes super copines. C'était une des histoires, c'était une copine, mais c'est dans ma vie adulte, qui a passé son manuscrit à mon mari. Et moi, j'étais terriblement jalouse. Il aurait couché avec elle. Ça aurait été moins pire. Qu'elle lui demande de lire son manuscrit, ça c'était ce qu'il devait faire pour moi, lire mes manuscrits, corriger mes manuscrits. Ça c'était une trahison terrible. Elle n'a pas demandé à moi, l'écrivain, Elle est allée demander à mon mari, je n'ai pas supporté, et j'ai écrit l'histoire la plus méchante. Ça commence par, je l'appelle Gina Peruzzi. Gina Peruzzi avait trois maris, mais pas assez de seins pour un seul. C'était mais aussi méchant. Et je ne me considère pas comme une grande méchante, mais là, je n'ai jamais été aussi méchante. Dans mon cœur, je suis toujours devant. Moi, j'ai 14. Je m'appelle Zélie, j'ai 10 ans et demi et je suis en CM2. Moi, ça m'est déjà arrivé que je sois amoureuse d'un garçon et qu'une autre amie soit aussi amoureuse de lui, mais en me mentant justement et en me disant que c'est pas vrai et que bah qu'elle m'humilie devant lui et que bah elle fasse des trucs comme ça pas très sympa. Et puis ça, je pense que c'est fatal. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est grave parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on le laisse à l'autre. On se moque pas, on l'humilie pas, on le prend pas, on le laisse. Et puis ça, je pense que c'est compliqué et que ça peut séparer une amitié. Le fait de perdre un ami quand on a 6-8 ans peut être quelque chose d'extrêmement profondément douloureux. Et donc les enfants sont capables d'être extrêmement malheureux parce qu'un ami leur a dit qu'il ne voulait plus le voir ou leur parler. Et parfois les parents prennent ça à la légère en disant « Ouais, allez, c'est des histoires de petits. » Mais pas du tout, pas du tout. Bon, l'avantage c'est qu'ils remontent de la dépression à une vitesse tout à fait phénoménale et que parfois deux carambars suffisent à ce que leur vie aille mieux, alors que moi, si je suis au fond de la dépression, deux carambars n'y suffisent plus non plus. Voilà. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 millions de petits garçons et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis sûre que pour toi, je suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. J'ai une amie, elle s'appelle Lila et elle a sauté une classe, alors elle a un an de moins que moi, mais c'est quand même une de mes meilleures amies. Moi, je sais que c'est ma meilleure amie parce que je peux lui dire des trucs intimes ou des problèmes que j'ai avec ma famille ou mes amis. Et moi, j'y suis pour ça parce qu'un jour, on était à la cantine, on était à la même table et puis je lui ai dit un problème et elle m'a réconfortée. Et puis elle m'a dit des petites astuces à faire, etc. Et bah, du coup, j'ai su qu'elle serait là pour moi et que du coup, je pouvais compter sur elle et que c'était ma meilleure amie. Puis moi aussi, je l'aide aussi. Des fois, je peux rien faire, mais la plupart du temps, j'essaye de l'aider. Des fois, je crois qu'on a un petit pouvoir. Par exemple, on est en classe et moi, je suis pas à côté d'elle. Je suis un petit peu loin d'elle. Et des fois, pour pas que la maîtresse elle entende ce qu'on dit et qu'on se fasse gronder, on communique, mais en chuchotant presque qu'on n'entende rien. Et on se comprend. On se comprend très bien. On arrive presque à lire sur les lèvres. Et ça, je pense que c'est spécial. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Je m'appelle Gabriel, j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée à Savigny. Mon meilleur meilleur ami qui s'appelle Hugo. Ça fait maintenant 7 ans que je le connais. Je me souviens qu'on avait partagé un intérêt commun autour du jeu vidéo. On s'est rencontrés là-dessus parce que j'entendais parler avec sa bande d'amis de l'époque. Et donc je me suis incrusté, on va dire. Et donc j'ai continué la discussion un peu avec eux. Et puis j'ai su qu'on avait un peu les mêmes délires. Je me souviens qu'une fois, c'est là que d'ailleurs que j'ai su que je l'aimais beaucoup, c'est qu'on a été une fois dans un jeu et on s'était refusé de se tuer parce qu'on voulait pas être ennemis à ce moment-là. Donc on a attendu que le temps termine du jeu et on s'était pas tué, du coup il y a eu égalité. Et j'ai su à ce moment-là que on s'entendait très bien, quoi. Parce que si même dans un jeu on refusait de se tuer, j'ai su qu'on s'entendait bien. C'était plutôt tacite, on n'a pas fait des tonnes non plus, quoi. On n'allait pas dire on a refusé de se tuer parce qu'on s'aime beaucoup. Ça faisait un peu bébé. Non, on gardait ça pour nous. Un ami qui trahit, c'est impardonnable pour moi. Pas de problème à avoir une relation d'amitié avec un garçon ou une fille. Pour moi, il faut savoir faire la différence entre une relation amoureuse et une relation d'amitié, parce que c'est pas du tout la même chose. Dans une relation d'amitié, on peut parfois être même quasiment plus proche que dans une relation amoureuse, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de risque, qu'on se voit plus, etc. Alors que dans une relation amoureuse, il y a toujours cette question de jalousie, de machin, où il faut être toujours l'un avec l'autre et pas être avec une autre fille, machin. Donc, je trouve que c'est possible totalement d'avoir une relation d'amitié. Qu'est-ce qui se joue dans l'enfance entre dans ces relations de copains, d'amitié, que ce soit à l'école ou ailleurs d'ailleurs? C'est vrai que les enfants savent qui est un copain et qui est un ami. Parfois les adultes confondent ça avec de l'amour et ils disent « Oh, il y a un baby couple, tu vois, le petit Antonin, un bras sur la bouche, la petite Laure, elle la tient par la main ». Mais ça ne passe pas par cet amour sexualisé imaginairement par les adultes, mais par un profond sentiment amical qui représente de l'amour chez un enfant. Et je dis bien représente de l'amour, parce que c'est le premier alphabet amoureux d'un lien avec autrui. Et avec deuxième semblable dans sa vie. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Je m'appelle Anouk, je suis en quatrième, j'ai 14 ans. J'ai une amie qui compte énormément pour moi, qui s'appelle Joy, que je connais depuis très très longtemps. Je la vois pas très souvent parce qu'on habite très loin l'une de l'autre, mais on reste en contact, on se parle et si j'ai un problème, c'est vers elle que je me tourne. Depuis que je suis petite, chaque été, on va dans un village de vacances dans le sud de la France. D'année en année, à chaque fois, on se retrouve là-bas l'été avec le soleil, la plage. Et On se voit grandir et à chaque fois, c'est comme une nouvelle étape, comme un nouveau chapitre. On monte d'une marche. On n'a pas été proches dès le début, mais il se trouve qu'elle a eu un problème de santé assez grave et elle a dû être hospitalisée. Et à ce moment-là, j'ai été là pour elle. Je lui ai envoyé des lettres pendant son hospitalisation où j'ai compris qu'on se lâcherait jamais et que notre histoire, peut-être qu'elle démarrait un peu là, quelque part, et qu'elle se finirait le plus tard possible. Je crois que j'ai jamais écrit avec autant d'émotions dans les mots que j'ai mis. Et j'avais pas besoin d'écrire un brouillon, de me relire, de réfléchir si ce mot-là allait être bien choisi. C'était vraiment comme ça, ça sortait du cœur. Et on se racontait toutes les histoires qu'on peut se raconter entre filles quand on est amies, que ce soit sur telle rencontre qu'elle avait fait là-bas ou moi, ce qui se passait dans ma vie de tous les jours. Et puis on parlait aussi de la maladie, évidemment. Et à chaque fois, j'essayais de lui donner le plus de courage possible parce qu'une hospitalisation, c'est jamais facile de sortir de là, et même si c'était à elle de s'en sortir. Et quand je lisais ses lettres, je me l'imaginais, elle, toujours en train de les écrire. J'avais aucune idée de à quoi pouvait ressembler, ne serait-ce que sa chambre, là où elle passait ses journées. Mais je la voyais écrire et toutes les deux, on s'est toujours exactement comprises, même si les mots sont parfois mal choisis, si les phrases veulent pas dire grand-chose, mais on se comprend, on comprend exactement les idées de chacune. Ça doit être un des points qui fait que notre amitié, elle est si forte. Ensuite, je dirais que notre amitié, elle se base beaucoup, comme la plupart des amitiés, sur des moments de rigolade. C'est très important parce qu'on ne fait pas une amitié juste avec de la confiance et de la compréhension. Je me souviens de toutes ces fois où on a mis de la musique dans le village le soir, quitte à ce que quelques voisins soient réveillés, mais on était tellement contentes de se retrouver à chaque fois. C'est vraiment des moments pour lesquels on n'a pas besoin de photos qui sont gravées et qui partiront jamais. Elle est si importante pour moi que je ne peux pas imaginer plus tard faire des projets, des voyages, avoir des ambitions, des rêves, sans elle, que ce soit son avis ou sa présence. Je ne pourrais pas m'imaginer une vie sans Joy. Si on te disait « Donnez-moi la couleur de l'amitié », ça serait quoi pour toi ? Ce serait violet. Rose et blanc. Rose et blanc. Rouge. Rouge ? Mmh. Rouge passion. Je m'appelle Kamel Zouaoui. Je suis conteur. Mon métier, c'est de raconter des histoires. Vous savez pourquoi on est là aujourd'hui ? Pour parler sur le thème de l'amitié. Attendez, on va faire un exercice. Pour que tout le monde puisse bien parler, on va faire les trois A. C'est un cri qu'on doit lancer. A, A, A. On fait le premier A. A. Maintenant, on va lancer le A de l'autre côté de la cour. A. Le troisième A, on doit le lancer de l'autre côté de Paris. A. 1, 2, 3. A. A. A. Qui est-ce qui voudrait me dire le prénom de son meilleur ami et comment il ou elle l'a rencontré ? Oh, mon meilleur ami s'appelle Bia Gitanja. Il est au Mali. Depuis qu'on était petits, on était ensemble dans un village. Est-ce qu'on peut ajouter les amitiés ou est-ce qu'on n'a qu'une amitié dans la vie ? Non, est-ce qu'on peut avoir plusieurs amis ? Oui. Bien sûr, on peut avoir plusieurs amis. Si on n'a pas d'amis, la vie, ça ne sert à rien. Si on a beaucoup d'amis, c'est comme si on est riche. On partage tout ensemble. Pour moi, l'amitié aussi, c'est comme une richesse. Une richesse, c'est ça. Je vais vous parler de trois amis qui étaient nés en même temps dans un pays en Afrique. Et ils avaient grandi tellement ensemble que les gens pensaient qu'ils étaient frères. Et ils étaient tellement amis, tellement proches, qu'il y en a même qui pensaient que c'était des jumeaux. Vous savez ce que c'est un jumeau ou une jumelle ? Et ces trois amis, ils ont grandi. Ils ont avancé dans l'âge, ils ont tout partagé. Comme vous le disiez, ils ont partagé les secrets intimes, ils ont partagé le bonheur, ils ont partagé les moments de tristesse. Vraiment, même la nuit, dans les rêves, ils se retrouvaient. Et puis ils ont grandi et quand... Ça s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Tu as donné le seul citron que tu avais pour me sauver la vie. Maintenant que tu ne l'as plus, eh bien tu m'as moi. Et l'amitié, des fois, j'ai l'impression que c'est partager son trésor avec l'autre. Alors moi, je suis né en France. Je suis né à Saint-Étienne, mais mes parents sont algériens. Ils sont venus travailler en France il y a très longtemps. Et donc nous, on est nés ici. On est nés avec deux cultures, la culture de l'Algérie et la culture de la France. Et je suis né dans un quartier, un endroit qui s'appelle Montréno. C'était une montagne comme ça, à côté de la ville de Saint-Étienne. Et c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de gens très pauvres. C'est-à-dire que nos parents travaillaient, mais ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais... Il y avait un amour dans les cœurs et une amitié extraordinaire. Et j'ai grandi au milieu d'une vingtaine, trentaine de personnes qui avaient mon âge. Il y avait des gens qui venaient du Chili parce qu'ils avaient fui les problèmes de là-bas. Il y avait des gens qui venaient d'Afrique. Il y avait des gens qui venaient d'Asie. Et puis il y avait des gens qui étaient nés ici depuis toujours. Et on a grandi ensemble. Et ben on ne s'est jamais quittés. C'est-à-dire qu'on est un groupe de 20 personnes. Certains sont venus vivre à Paris, d'autres sont restés à Saint-Étienne, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont ailleurs. On est liés comme ça. Par exemple, j'ai une de mes amies qui s'appelle Lydia, elle m'a demandé d'être le parrain de sa fille. J'ai un autre ami qui s'appelle Romuald, qui habite à Madrid, qui m'appelle très souvent. Il y a une amie qui s'appelle Lise, qui est professeure, qui habite en Guadeloupe. Elle a eu un petit incident dans sa vie, et tout le monde l'a rappelé. Comme si on était tous... attachés par un bracelet, comme s'il y avait un fil magique entre nous, et il suffit de tirer dessus pour que les autres répondent. Et l'amitié que j'ai avec mes amis depuis l'enfance, c'est une force, une très très grande force. J'aimerais bien que tu nous racontes l'ambiance de ce quartier à Saint-Étienne. Bien sûr, c'était un quartier donc qui était à la périphérie, en banlieue de Saint-Étienne. On avait une association qui s'appelait l'Association familiale laïque de Montréno. C'était une forme de maison de quartier, mais c'était une maison dans laquelle tout le monde était bienvenu. Les parents, les enfants, il y avait beaucoup d'activités. On faisait du sport, on faisait du théâtre. C'était un endroit qui n'était pas la maison privée, mais c'était la maison ensemble. Alors, chaque année, on se mettait un groupe de 15 personnes et on préparait un projet. Cette année, on va aller au Mexique, à l'Université de Mexico. On ne demandait pas d'argent. À l'extérieur. Quand on voulait aller au Mexique, c'est nous, pendant une année, qui travaillions pour avoir cet argent. On avait un rêve collectif. On rêvait ensemble. C'était ça, mon enfance. Je pense que ma loyauté à l'enfance et ma loyauté à mes amis d'enfance vient juste du fait que ce sont ces personnes qui l'exigent. C'est pour les valeurs que toutes ces personnes ont et avec lesquelles je tisse ma vie d'adulte également. On s'est construit ensemble. Et on a une manière de voir la vie. Il y en a un qui est très bon au foot. Il y en a un qui a détecté Paul Pogba. Vous connaissez Pogba? J'ai un ami qui s'appelle Hassan Ouaman. Il est éducateur au foyer d'accueil des migrants de Genève. Et l'autre jour, il est invité à l'ONU. Vous connaissez l'ONU? Et bien, qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour à la tribune de l'ONU à Genève? D'un coup, il parle de moi. Il dit « Oui, au fait, j'ai un copain, il s'appelle Kamel Zouaoui. Un jour, il est venu là et puis il m'a dit ça. Normal, quoi. » C'est-à-dire qu'on a construit quelque chose qu'on partage avec le monde. Et je suis assuré, je suis sûr qu'il y a ça partout. Vous, vous l'avez. Ce que j'ai moi avec mes amis, vous, vous l'avez. En retournant dans mes souvenirs, Je me souviens que c'est les années 70, donc le milieu des années 70, que Versailles c'est quand même très royaliste, c'est très catholique, intégriste, c'est encore l'époque de la guerre froide. Mais nous on s'en fout, nous on veut partir aux États-Unis, nous, on n'est pas du tout dans cet univers-là. Et on est comme deux adolescents de 16 ans, on a envie de conquérir les filles, on a envie de gagner de l'argent, de voyager. Et nous on vague là-dedans un peu en ricanant. Comme deux belettes, tu vois. On ricane de tout ça parce qu'on s'en fout, parce qu'on a nos motos, qu'on a... Et puis on a tout à apprendre de la vie, on sait rien, quoi. On sait rien. Et puis, ce pôle un peu central qui est la chambre de Xavier qui donne sur la rue, donc qui donne près de la gare rive droite, qui est notre point d'observation. Puis le matin, on part à l'école ensemble, il vient me chercher ou je viens le chercher. Donc c'est une amitié banale, mais qui est forte. L'écrivain Bruno de Stabenrath n'arrive pas à oublier sûrement le pire de ses amis d'enfance. C'est par voie de presse qu'il envoie de longues lettres à Xavier Dupont de Ligonnès, accusé d'un horrible crime, celui d'avoir assassiné toute sa famille, puis de disparaître. Cher Xavier, qu'est-ce qui pouvait nous décourager à 16 ans, quand on a la vie devant nous et toutes les filles du monde à conquérir? Pourtant, cet immense découragement est arrivé dans nos vies, dans nos 30 ans d'amitié. D'abord, mon terrible accident de voiture en 96, où tu es venu me soutenir et me faire rire, comme toujours. Habitue-toi à tout ce qui te décourage. Là, il fallait être fort, hein, et puis solidaire. Tu l'as été, constamment, même avec une enveloppe de cash. Aujourd'hui, c'est moi qui me décourage, Xavier. Qu'ai-je manqué à mon tour dans ta vie et celle des tiens pour affronter ce drame? Où es-tu? Où te caches-tu? Qu'as-tu fait de cette bonté qui t'animait? De quelles ténèbres proviennent cet immense gâchis? Comment s'est venue cette idée d'écrire des lettres à ton ami d'enfance? Cette lettre, on va dire que c'est un cri du cœur, quoi. On est dans le réel, on est dans la tragédie, donc voilà. Donc on se fait pas de cadeaux, quand on se parle de Mahom. C'est des lettres que tu proposes à la presse parce que tu as envie qu'ils la lisent, évidemment. Bien sûr. C'est marrant, mais je le vois, tu vois, un truc un peu, enfin c'est très cinématographique, mais je le vois dans un salon d'attente, alors est-ce qu'il est chez le dentiste à Buenos Aires, j'en sais rien, puis d'un coup il y a une revue, et puis il voit une phrase, et puis c'est quoi cette phrase, Xavier? Tu vois, enfin c'est stupide, mais je me dis... Voilà, mais en même temps, je me dis aussi qu'il surfe sur Internet. Donc, il est au courant de pas mal de choses. Donc, quand l'histoire du pont de Ligonnès arrive et est hyper médiatique, quand d'un seul coup, on découvre cette affaire assez dramatique, une famille entière, une tragédie, une famille entière retrouvée, massacrée dans sa maison à Nantes, comment tu réagis? Déjà, je découvre, j'avais complètement oublié qu'il s'appelait Dupont. Parce que si tu veux, comme tous ces aristos qui ont des noirs à longe, très vite, il y a le flash. Voilà. Et donc, je sais que la famille a disparu. Alors moi, je pense, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que Xavier a habité Pornic à un moment. Je me dis, ils ont disparu en bateau. Puis je me dis, mais non, Xavier, il n'aimait pas l'eau. Il ne faisait pas du bateau. Et puis après, j'apprends que l'enquête commence. Donc les flics commencent à visiter la maison et c'est qu'au bout de la troisième fois qu'ils trouvent les corps. Et dans les corps, il n'y a pas Xavier. Donc s'il n'y a pas Xavier et que là on voit les flashs quand il fuit sur l'autoroute, ensuite on a les rapports des cartes bleues, et puis les lettres sont arrivées dans les familles où Xavier dit on est parti en Australie, et puis l'autre on était exfiltré par la DEA, donc qui est quand même hallucinant de mensonges, quoi. Là, on rentre vraiment dans l'histoire. Et là, si tu veux, c'est comme je dégringolais d'étage en étage, quoi. Parce que tu reconnais rien de ton ami d'enfance, de jeunesse. Ah oui, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Moi, je me souviens de Xavier avec sa voix, avec son charme, avec son rire. Donc tout ça, c'est des indications quand même, on va dire, très humaines dans un domaine qui, tout d'un coup, devient très froid. Tout l'accuse. Tout se met en place, quoi. Et puis, les gens commencent à parler, quoi. Et là, c'est terrible parce que je découvre un autre portrait d'un Xavier que je connais pas. Mais je me dis, c'est peut-être aussi ce Xavier que j'ai raté sur la dernière décennie. Il est 40, 50 ans, puisqu'il a 50 ans quand il disparaît. Donc ça me fait culpabiliser aussi. Tu vois, qu'est-ce que j'ai raté dans nos rencontres? Et je me dis, ok, il est coupable. Mais ça reste mon ami. parce que en tant qu'écrivain, en tant que chrétien, mais plutôt dans le sens grec, Christos, le témoin, je suis témoin de ma génération, de notre amitié, de notre histoire, de ce qu'on a vécu. J'ai besoin de savoir, donc j'ai besoin de comprendre. Au nom de quoi tu ne lâches pas ton ami? Au nom de quoi? Mais je me dis, c'est simple, je me dis, on va dire qu'il y a 99,9% de, qui l'accusent, mais il reste 1% de présomption d'innocence. Et ce 1%, pour moi, c'est un peu le fil de notre amitié. C'est-à-dire ce qui reste pour qu'il revienne vers moi ou revienne vers la justice, peu importe. Mais c'est ce qui va me permettre de revenir vers lui et de parler avec lui et de lui dire, mais Xavier, qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-moi. Je me dis que s'il me lit, il va entendre ma voix. Donc ça prendra peut-être du temps. Peut-être qu'il sera en prison, j'irai le voir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais... que si je ferme cette porte, alors je ferme tout. Et moi, je me ferme à moi-même. C'est-à-dire, je me ferme à ma propre humanité. Parce que l'amitié, pour moi, c'est proche de l'amour. C'est à la vie et à la mort, quoi. Tu vois, des amitiés, t'en as pas tant que ça dans une vie. Donc c'est ça, en fait. C'est la seule et unique raison. Et je me suis même pas posé la question. Et puis, au-delà de ça, moi, je pense aux enfants. C'est ça, là, c'est la chose la plus terrible. À Agnès, bien sûr. Là, ces quatre enfants qui avait un destin et qu'on a envoyé dans les ténèbres, quoi. Et ça me rend assez en colère. Et je pense que cette colère, je lui ferai partager aussi, tu vois. Et tu peux pas le renier. Tu peux pas dire bon bah non, je peux pas le renier. Non, je peux pas le renier. Je ne peux pas le renier. Non, parce que ce serait quand t'aimes quelqu'un, c'est pour le pire, pour le meilleur. Et le fil de l'amitié, je peux pas le rompre. Si je le romps, je suis une merde. C'est aussi simple que ça. Je vais vous lire ma conception de l'amitié. Quand je pense à l'amitié, je pense au trésor de ma vie. Tous les visages de mes amis surgissent comme un bijou précieux. Si chaque perle de mon collier représentait un ami, je marquerais les noms Nicole, Daniel, Irène, Laura, Simona, Rose, Gilles, Dan, Philippe et tant d'autres. Je les tâterai et laisserai pénétrer la chaleur de nos discussions, de nos fous rires, de nos folies, de leur soutien permanent et même quelquefois de leur trahison. Et je pense aussi à mes sœurs qui m'inspirent pour la famille trop de filles, mes sœurs amies chéries depuis toute une vie. L'amitié est un investissement, j'y mets beaucoup d'énergie. Mais parfois, l'amitié est fragile. Si on dit un mot de trop, il faut faire attention aux sensibilités. Il peut y avoir des déceptions. N'oubliez jamais cependant que celui qui cherche l'ami parfait n'aura pas d'ami. L'amitié, comme je dis, c'est le trésor de la vie. Nous sommes ici à Paris avec Rose Lagercrantz, qui est mon amie depuis 30 ans. Et c'est une journée de rêve pour nous, de nous voir, de se parler, de se voir. C'est formidable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous inspire plus que l'amitié? L'amour. Est-ce que l'amour et l'amitié... Mais c'est pas la même chose, vraiment. Mais peut-être l'amour, c'est quelque chose avec sexe, n'est-ce pas? L'amitié peut être un vieux homme, ça peut être un enfant, mais quand même, c'est l'amour aussi, n'est-ce pas? Je sais que quelqu'un peut être mon ami si j'ai envie de le toucher. Quand j'ai pas envie de toucher quelqu'un, ça peut pas être un ami. Donc, il y a quelque chose de sensuel dans l'amitié aussi. C'est un mystère, l'amitié. C'est un mystère. Et moi aussi, je peux romper avec quelqu'un pour un mot. Et je peux pardonner les choses les plus terribles parce que j'aime cette personne. Je peux romper pour rien, presque. Si je suis vraiment blessée. C'est l'amitié un mystère. Ouais. Alors, dans votre travail d'écrivain, dans tous les... Vous avez pas mal exploré l'amitié. J'essaie de savoir comment j'ai eu l'idée de faire le livre « Tu veux être ma copine ?» où une fille décide de recruter une copine comme on recrute un employé. Et elle s'installe dans la cour d'école avec un questionnaire et elle pose des questions. Est-ce que tu aimes mieux la mayonnaise ou le ketchup? Elle a toute pleine de questions comme ça et elle décide qui est un candidat pour être son amie. C'est pas des histoires qu'on me raconte, c'est des histoires qui viennent quelque part, mais quelque part de très mystérieux. Moi, je vis beaucoup dans mon âme d'enfant, l'enfant qui est en moi, qui est en nous tous, est très fort chez moi. Ma mère disait toujours, vous n'avez pas besoin d'amis, vous avez des sœurs. Et mes sœurs étaient et sont toujours mes meilleures amies. Avec ma sœur et fille, on partageait la même chambre. Et tous les soirs, il y a une prière qu'on dit. C'est la dernière prière avant de se coucher. Ça s'appelle Shema Yisrael. Et après avoir dit cette prière, on ne peut plus se parler. Alors, ma sœur me disait, tu l'as dit? Je dis, ah oui, merde, maintenant il faut que je le redise. Et elle me titillait comme ça. C'était un grand bonheur de vivre avec mes sœurs. On chantait, on dansait, on était folles. Et c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'autres. Et quand je suis arrivée en France, là, les amis ont remplacé la famille. Et l'amitié a pris beaucoup, dans ma vie adulte, l'amitié a pris beaucoup plus d'importance que dans ma vie enfantine. Et alors Rose, vous avez écrit aussi toute une série autour du thème de l'amitié. Est-ce que vos amitiés d'enfance vous ont marqué? Oui. Et aussi maintenant, je me rappelle, quand je vous écoute, comme c'était terriblement dur. Parce que quand j'avais 7 ans, on est déménagé. On habitait dans une petite faubourg de Stockholm. Très idyllique, comme c'est toujours en Suède. C'est joli, c'est la nature. Il y a de l'air. On voulait dire en anglais « friendly ». Et j'étais enfant unique. J'étais une fille seule. Mais là, il y avait une fille, Christina. C'était ma première amie. Christina, qui était dans la maison en face de nous. Et chaque matin, je regardais, est-ce qu'elle est dans les fenêtres? Elle avait 2 ans plus que moi. Elle est allée à l'école. Elle m'a appris lire. Et elle était gentille. La gentillesse, avec des grandes... Pommettes. Oui, rouge toujours. Et des yeux bleus. Elle était vraiment suédoise. Et gentille. Je ne me sentais pas seule. Ça comptait beaucoup. Je l'aimais tellement. Je pouvais mourir pour cette fille-là. Te souviens-tu d'un jour de septembre où il a fait tant plu? Les carrés rouges dans la Renault 12 ont quitté l'ombre sans toi. C'est ça. Ah, voilà Friedel qui arrive avec sa canne. Ça, c'est pour vous. Des petits gâteaux. Oui, voilà, c'est gentil. Mais... Ah, d'accord. Hop. C'est pas la vie, quand tu la poses, ça va. Bon, entrez, entrez. Merci. On va s'asseoir là. Voilà, on va s'asseoir ici. Moi, j'ai parfois dit à un certain moment, des amis, ça n'existe pas. Il y a les gens qui disent comme ça, mes amis. Mes amis, ce sont les connaissances. De vrais amis, il y a très peu. Ouais. Et pour vous, c'est quoi justement, Fridolin, l'amitié? Ben écoutez, mais oui, mais que voulez-vous, je vais avoir 95 ans, je n'ai plus d'amis. Tout le monde est parti. Moi, j'étais en Allemagne, à l'école, j'avais une amie d'enfance, oui, avec laquelle j'étais amie quand j'étais enfant, et on est resté en contact jusqu'à ça, on s'est retrouvés après la guerre, et on est resté amis. Ça, c'était des amis, mais amis, qu'est-ce que c'est amis? Vous avez grandi en Allemagne jusqu'à quel âge, Fridolin? 15 ans. Puis vous savez, j'étais dans une école non juive. Alors les filles, il y a des filles, après, quand elles me voyaient, elles tournaient la tête, elles ne me connaissaient pas. Il y avait juste une fille, je me souviendrai toujours d'elle, elle s'est arrêtée, comment vas-tu, quoi de neuf. Ouais. On allait une chez l'autre, et après on mangeait quelque chose le soir ensemble, effectivement. Ouais. Ça, c'est une amie, je pense. Je l'ai retrouvée après la guerre. Hein. Oui. C'était une fille juive qui restait cachée en Allemagne, à Berlin, pendant toute la guerre. Et je suis retournée à Berlin. Il y avait un bureau où on pouvait demander les gens qu'on connaissait. Alors, on m'a donné son adresse. Il m'a donné l'adresse. Je suis allée chez elle sans téléphoner avant. Et je suis allée et j'ai sonné à la porte. Elle m'a reconnue. Elle m'a dit, écoute, comment ça se fait? Tu sonnes à la porte et tu es là. Elle s'est presque évanouie. Ça, c'était une vraie amie. Mais vous pensiez à elle depuis toutes ces années? Penser, vous savez, c'est très difficile. Hein? Moi, j'étais déportée de penser à ses amis. Difficile. Je me souviens plus comment ça se fait que... Ça, je me souviens, ça m'échappe maintenant. Mm. Comment ça se fait que... Ah ben, parce que je me suis renseignée si elle est vivante. Effectivement. Il se lave la nuit. Après qu'il se lave, il se brosse les dents. Après brosser les dents, il s'habille. Et après habillé, il va à l'école. Et il s'appelle Sports. Réel ou imaginaire, les amis d'enfance ne nous quittent jamais vraiment. Ils résistent au temps et à la distance. Et il n'est pas ici parce qu'il est trop loin. Il faut prendre ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Il faut prendre par là. Et après, il y a un petit creux là et on va par là. Un petit creux là, on va par là. Un petit creux là et on prend le métro et après ça dure longtemps le métro et après on sort les appartements et après on le voit. Merci à Suzy Morgenstern et à son amie Rose Lagerkranz. Merci aux élèves de la classe de CM1 de l'école Henri Vallon de Vitry-sur-Seine, à Anouk, Zélie et Gabriel, les ados, à Fridel, l'ami de mes amis, à Nora Markman, psychologue psychanalyste, à Véronique Decker, directrice d'école, à Marie Boucaud et à ses élèves de la classe du lycée Éric Satie à Paris dans le 14e arrondissement, à Kamel Zouaoui, conteur et comédien, à Bruno de Stabenrath, écrivain de lettres à mon ami d'enfance, et à Ange et son ami imaginaire. Prise de son Laurent Lucas et Cyprien de Limerville. Mixage Alain Joubert. Documentation Radio France Anne-Lise Signoret. retour en enfance ou pourquoi les amitiés résistent au temps, un documentaire de Leïla Djitli réalisé par Véronique Samouilov. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter devant la photo de classe, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, la force du groupe. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire allait creuser encore un peu les histoires d'amitié et regarder vivant le film de Vincent Boujon. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Et ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de la chaîne, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.